Portrait d'assaut sur Fadjet. Aujourd'hui dans Portrait d'assaut, découverte de l'association des Bruits du Cœur en compagnie d'Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Des Bruits du Cœur, vous êtes basé à Jarville, je crois. Oui, historiquement à Jarville, ouais, c'est ça, effectivement. Comment a commencé cette aventure associative ? Alors cette aventure, elle a commencé il y a bientôt 4 ans, puisque en fait l'association est composée essentiellement de professionnels de santé, de tout horizon, hein, infirmiers, médecins, pharmaciens, etc. Et on s'est tous connus pendant la crise Covid, en fait. On a été en charge de porter les centres de vaccination. Et du coup, pendant cette période-là, les choses ont un peu changé pour nous comme pour tous les autres, hein, d'ailleurs. On a appris à travailler ensemble, on a fait des choses qui sortaient de l'ordinaire. Et puis, on avait une petite particularité, c'était d'abandonner une partie de nos revenus pour faire fonctionner ces centres de vaccination, mais fonctionner davantage, c'est-à-dire amener un peu plus de confort, les repas par exemple, enfin tout ce qui n'était D'accord. pas pris en charge, donc créer une petite ambiance supplémentaire qui permettait de passer le cap de la difficulté de la situation sanitaire. Cet esprit associatif, il est né naturellement en fait. C'est ça, spontanément, naturellement, et puis avec une certaine durée, puisqu'on s'est fréquentés tous pendant pratiquement plus de 2 ans. Donc voilà, on a appris à travailler les uns avec les autres, et puis ça nous est resté comme une petite marque de fabrique, et puis l'envie de continuer à faire ensemble les choses. Oui, parce que justement, maintenant, il y a quand même une association qui s'appelle Des Bruits du Cœur. C'est ça. Vous allez nous expliquer pourquoi aussi ce nom d'association. En fait, cette association, elle aurait dû fermer avec les centres de vaccination, et puis je vous l'ai dit, on avait vraiment envie de continuer sur le principe. On s'était donné comme objectif de terminer à dépenser cet argent mis de côté en faisant des choses sympas ensemble et si possible avec une action solidaire ou humanitaire. On en rêvait mais on ne l'approchait pas. Donc on a commencé par donner l'argent, une partie de l'argent qui nous restait à des associations caritatives sur Nancy. Et puis on avait cette petite frustration qui était que ce qu'on faisait était certes très important mais une goutte d'eau et on n'en voyait pas forcément la finalité. Donc on s'est dit on pourrait peut-être faire autre chose de plus marquant. Quoi, on ne savait pas encore, mais on savait que ça pouvait mûrir tranquillement. Et l'actualité internationale est arrivée, la crise en Ukraine. Exactement, on a été rattrapés tous par la guerre en Ukraine et en Europe, à nos portes. Et puis, comme on avait ce passif-là, en fait, en tout cas, cette expérience-là, la métropole et la mairie de Nancy, par l'intermédiaire de Mathieu Klein, nous a demandé si on pouvait participer à une opération de rapatriement des réfugiés ukrainiens qui étaient dans la ville de Lublin, à la frontière polonaise. Donc ils nous ont demandé si on pouvait participer à ce retour-là. Donc ce qu'on a fait, on a mis 2 équipes, 2 binômes, médecins-infirmiers, pour partir là-bas, faire un premier check-up, les renseigner, réconforter, rassurer, et puis préparer leur retour sur Nancy. Et la crise en Ukraine existe toujours. Toujours. Voilà, il y a toujours des besoins. Vous allez déjà, d'ailleurs, à la fin du mois d'août, faire un voyage là-bas. On va revenir dessus. Peut-être maintenant nous expliquer aussi comment fonctionne votre association. Vous n'avez pas de salariés. C'est vraiment du bénévolat 100%. Non, c'est ça. C'est du bénévolat 100%. On s'appuie, en fait, comme je vous le disais, on a connu ces réfugiés ukrainiens qui nous ont fait connaître les besoins sur place là-bas. Nous, on s'est vite rendu compte qu'il nous restait un tout petit peu de matériel des centres de vaccination, ce qu'on appelait les EPI, qui nous sert à nous protéger. Dans nos cabinets, on avait aussi du matériel non utilisé, donc on a commencé par envoyer ça. Et puis on a utilisé tout naturellement notre réseau de professionnels en fait, pour collecter du matériel. Et notre spécificité maintenant, c'est vraiment de collecter du matériel médical non utilisé et non valorisé en France, puisqu'on a des normes qui sont suffisamment hautes pour qu'il y ait beaucoup de restes de matériel. Donc voilà, notre spécialité, c'est vraiment d'aller à la recherche de ce matériel-là, de nouer des partenariats sur tout le département, j'allais dire, puisqu'on va un peu plus loin que la métropole pour récupérer ce matériel-là, donc on récupère ce matériel-là et on le valorise. Et après, vous l'envoyez là-bas, vous êtes allé sur place aussi Oui, on l'envoie là-bas sur place en Ukraine, on y part en août et ça sera notre 6e voyage là-bas, mais eux aussi viennent, c'est-à-dire qu'on a noué avec l'expérience un certain nombre de contacts sur différentes villes, Lviv, Kiev, Tcherkassy, Vinnytsia et Odessa. Et donc, c'est ces grandes villes-là qui nous servent de point de répartition du matériel. Et on a des contacts suffisamment connus et reconnus qui sont déjà venus eux-mêmes sur Nancy récupérer du matériel. Donc, on travaille en toute confiance. Et ce matériel-là est en fonction des besoins et des opportunités qu'on a de déplacement répartis sur ces centres-là. Le premier voyage là-bas, c'était quand là ? Je me souviens plus bien. Ça devait être au printemps, il y a 1 an et demi. Ouais. Donc, peut-être même sortie de l'hiver, toute sortie de l'hiver. Et les premières impressions arrivées sur place Les premières impressions, c'était assez dur. Enfin, on est d'une génération, personne n'a connu la guerre. Et vraiment, quand on arrive aux portes de Kiev, parce que c'était la première ville sur laquelle on est arrivé, on a fait le trajet de nuit, donc on est arrivé 2 jours aux portes de Kiev. Donc, par les villes, différents villages sur lesquels l'actualité nous avait informés, et sur lesquelles les images portaient dans l'inconscient qu'on avait, enfin, les représentations qu'on se faisait. Et donc là, on est arrivé en plein quartier, effectivement, où il y avait eu les premiers affrontements en périphérie. Et quand on voit une ville qui est une métropole et quasiment une des plus grosses villes connues d'Ukraine, quand on la voit gardée par des checkpoints, des hommes en armes, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer des films de guerre qu'on le connaît, c'est effectivement assez surprenant. Ouais. Et quand vous revenez après, la motivation est d'autant plus grande de poursuivre cette action. Ah bah, les décupler, parce qu'on s'est rendu compte des besoins sur place, on voit exactement quels sont les besoins des populations, on a été vraiment touché du doigt les zones de conflit, ou en tout cas les premières zones, enfin juste avant le conflit, hein, les zones avant le front. Donc oui, et puis on a vu les situations. Nous, notre spécificité, c'est de travailler, c'est le soin. Donc on a des gens là-bas qui nous ont ouvert les portes des hôpitaux, des dispensaires. Donc on s'est vraiment rendu compte de la situation et s'est rendu compte vraiment des besoins qui étaient sur place, des besoins importants en matériel. Alors comment vous aidez aujourd'hui l'association des Bruits du Cœur ? Alors là, très concrètement, à court terme, c'est vraiment on est vraiment monté en puissance, parce que à force d'expérience, de retour, d'informations, etc., on a de plus en plus de matériel qui arrive, et c'est très bien. Auparavant, on arrivait à faire partir un convoi toutes les 6 à 8 semaines. Hein. On faisait partir 30-40 mètres cubes toutes les 6 à 8 semaines. Maintenant, ce que l'on collecte est supérieur à nos capacités d'envoi, en tout cas en instantané. Et puis, comme on travaille quand même sur des dates un peu courtes, hein, on récupère du stock qui ne sera pas valorisé, il faut le faire partir assez rapidement. Donc là, on a besoin à très court terme de faire partir un semi-remorque. On fait partir un semi-remorque complet fin août. Et pour ça, ça coûte de l'argent. Bien sûr. Et on est à la recherche de fonds. Alors, notre association s'est un petit peu développée. On vient d'être reconnu d'intérêt général par le biais d'une coopération aussi avec Pharmaciens Humanitaires International, qui est, elle, une association reconnue, nationale et assez développée. Donc, on a en tout cas la capacité de collecter des fonds et de pouvoir délivrer des serfas, en fait, qui incitent les gens à donner un peu plus facilement, puisqu'on sait que par le biais de ces serfas-là, quand on donne 100 euros, quand on est particulier, en réalité, ça ne coûte que 33 et pour une entreprise, 25. Donc, c'est un moyen supplémentaire de peut-être développer un petit peu l'appel aux dons. Et en tout cas, sur ce point précis-là, c'est à très court terme, on a besoin un petit peu d'argent, effectivement, pour pouvoir faire partir ce SMI-là et assurer une belle et grande livraison. Un SMI qui partira donc fin août, c'est ça ? Fin août, oui, ce SMI va partir. On a la chance d'avoir des locaux sur Aïcourt avec une entreprise partenaire. Et nous, on suit avec notre véhicule pour assurer vraiment la répartition sur place et le partage équitable dans les différents points et les différentes villes dont je vous ai parlé précédemment. Ce sera votre sixième voyage là-bas, c'est ça ? Ce sera le sixième, ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Et si des personnes qui nous écoutent veulent aussi filer un coup de main, ça peut être pécunier, ça peut être un peu d'argent, mais ça peut être aussi prêter un peu ses mains. Oui, bien sûr, on a toujours besoin de personnes pour nous aider. Alors, on a parfois des petites collectes qui passent un peu inaperçues, parce que c'est un petit carton à droite, un petit carton à gauche chez telle ou telle personne, mais on a parfois des grosses arrivées, des palettes entières qui arrivent, donc là, il faut contrôler le matériel, l'inventorier, le répartir de façon équitable. On a des palettes en fonction des endroits et des interlocuteurs que l'on connaît sur place. Donc, on a toujours besoin de coups de main, de tri, de nettoyage, de conditionnement administratif parfois. Voilà. Alors, comment on vous contacte alors ? Alors, on peut me contacter. Alors, on n'est pas encore très organisé en matière de communication. C'est ce que vous nous permettez de faire actuellement. C'est parfait. Je vous en remercie. Il y a mon numéro de téléphone qui circule un peu partout. Donc, j'ai aucun complexe à le donner. Allez-y. 06 81 07 92 68. Oui. Donc là, idéalement, une première prise de contact par SMS, où ça me permet de garder l'information dans la journée, de la trier le soir et puis de revenir assez facilement dessus. Et puis, on a eu la chance, je sors d'une réunion auquel on a donné un petit peu d'écoute à notre projet, comme vous le faites là, et on a trouvé quelqu'un qui va nous développer un site, alors très basique, mais qui va permettre un petit peu d'aller consulter ce que l'on fait, de mettre des images dessus. Ça porte toujours un tout petit peu plus de crédit que la parole donnée, mais en tout cas, voilà, ça va se développer assez rapidement. Donc, pour le moment, privilégiez le numéro de téléphone. Oui. Et puis, il y a toujours aussi, je vous le disais, les Bruits du Cœur sont sur Nancy et on est adossé aussi, on travaille en belle coopération avec ce qu'on appelle la PHI, Pharmacie Humanitaire Internationale. Là, pour le coup, en tapant sur Internet Pharmacie Humanitaire Internationale et en allant chercher celle du département, l'antenne départementale 54, vous retombez aussi sur des points de collecte sur Nancy, dans différentes pharmacies ou autres. Donc, il n'y a pas de souci pour nous trouver pour le moment. On remettra les infos sur le site de la radio aussi, fadjet.net, avec votre numéro de téléphone et prochainement le site internet de l'association des Bruits du Cœur. C'est ça. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. C'était Portrait d'Assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.